Je vais faire une différenciation fondamentale entre ce qu'on appelle nous autres, entre ce qu'on appelle la psychologie et la conscience. La psychologie et la conscience, c'est pas la même chose. La psychologie, c'est une façon pour l'âme de se manifester dans le monde. Alors que la conscience, c'est une façon pour l'homme d'interpréter les influences sur son ego qui sont issues des plaies subtiles. La différence n'est peut-être pas évidente pour l'être humain parce que l'être humain est un être, l'être humain pense et la fondation psychologique de son ego repose sur la pensée. Par contre, dans le phénomène de la conscience, il y a un phénomène de vibration, il y a un phénomène vibratoire qui est extrêmement puissant, qui est très très présent à partir du moment où l'ego se transforme. Quand l'ego se transforme, autrement dit, quand l'ego devient ce que j'appelle transparent, il apparaît en lui ce qu'on peut appeler une entité, autrement dit, une partie intelligente, vocale, correspondante avec lequel il peut s'entretenir mentalement. Cette entité-là, durant l'évolution, on l'appelait le grand moi. Le grand moi, ça ne me dit pas grand-chose. Pour la simple raison que pour l'homme, le grand moi, c'est une extension de son petit moi. Et en réalité, le principe universel de la conscience sur lequel repose le processus mental, vibratoire, qui permet à l'homme soit de penser ou d'être en communication télépathique, ce processus-là est fondamental dans ce sens qu'il a sa propre identité. Donc, si on va plus loin dans l'observation du phénomène occulte du grand moi, on s'aperçoit que l'être intérieur avec lequel on peut être en communication a une identité qui n'est pas pour nous observable, parce que cet être-là est sur un autre plan. Par contre, il a une entité qui correspond seulement approximativement à la nôtre. Elle correspond seulement approximativement à la nôtre. Et c'est le jeu où la différence entre l'approximation de l'identité de l'entité ou de l'ajusteur de pensée ou du grand moi avec l'identité du petit moi qui crée chez l'homme l'impression d'être seul alors qu'en réalité il est toujours habité. Maintenant pendant l'évolution, Le développement ou l'étude de la psychologie nous a amené, les hommes, à conserver l'équilibre dans notre psychologie, dans la mesure où on avait l'impression d'être. Et quand je dis l'impression d'être, je veux dire la capacité d'être un être pensif, ou la capacité d'être pensif. Mais ça, c'est une limitation fondamentale de la psychologie. Parce qu'en réalité, la psychologie, telle qu'on le conçoit, nous, les êtres pensifs, ou les êtres pensants, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est un rapport de force entre un ego incarné et un être ou une entité désincarnée qui est sur un autre plan. Et le rapport de force entre les deux où l'équilibre, si vous voulez, entre les deux, nous donne, nous autres les hommes, l'impression d'être, donc nous donne accès à ce qu'on appelle une psychologie volontaire, c'est-à-dire une capacité d'interpréter le phénomène humain, le nôtre, à notre façon. À partir du moment où l'homme passe de l'évolution de la conscience, donc à partir du moment où il commence à sortir de l'illusion que c'est lui qui pense, pour entrer dans l'évolution de la conscience, donc pour lorsqu'il en arrive à passer d'une réflexion à une télépathie, il commence à vivre ou à subir, si vous voulez, je dirais même subir, parce qu'au début c'est une sorte de soumission, il commence à subir le rapport de force entre lui en tant qu'ego et l'autre en tant qu'être multidimensionnel, prépersonnel, qui évolue dans sa propre sphère, dans un autre plan, dans un autre univers parallèle, qui est tout un, dont on n'a aucune conscience. Donc, on n'a aucune notion, mais dont on a une vibration correspondante, ce qui nous donne la télépathie. Dans la mesure où il y a équilibre entre l'ego qui pense et l'entité qui habite l'homme, qui est la source de sa conscience, que l'homme dans le passé appelait le grand moi, dans la mesure où il y a équilibre, il n'y a pas de réalisation chez l'homme de la lutte entre lui et les plaies. Dans la mesure où il y a déséquilibre, il y a réalisation qu'il y a lutte entre l'homme et les plaies. Et à partir du moment où l'homme prend conscience de la lutte entre lui et les plaies, il commence à prendre conscience de ce que j'appelle le phénomène de domination, c'est-à-dire la manufacture extrêmement subtile des plans de l'esprit en relation avec sa vie sur le plan matériel, ce qu'on appelle une programmation. Donc, l'homme, sur la terre, est voué à ce qu'on appelle la souffrance. Que la souffrance soit consciente ou que la souffrance soit inconsciente, l'homme est voué à la souffrance parce qu'il est incapable de faire la différence entre la psychologie de son être et la conscience de son être. Donc, à partir du moment où il est dans la psychologie de son être, il est obligé d'interpréter sa réalité en fonction des mécanismes pensants de son ego qui a été acculturé pour le faire. Alors que dans l'évolution, l'homme entrant dans ce qu'on appelle une conscience, c'est-à-dire une voie double de reconnaissance de son être-té. La voie simple, la voie double étant basée sur sa capacité de communiquer avec l'entité et sa capacité de recevoir de l'information de l'entité, un petit peu comme un walkie-talkie. À partir du moment où l'homme passe de la psychologie de son être à la conscience de son être, éventuellement, il devient ce que je pourrais appeler parapsychologique. Parapsychologique, ça veut dire qu'il est capable d'interpréter son phénomène humain, mais sans être biaisé par ses perceptions psychologiques, autrement dit, sans être biaisé par ses perceptions culturelles. Pourquoi est-ce qu'il est plus biaisé? Parce que l'interprétation vibratoire de sa conscience ou des expériences dans sa vie correspond à la manipulation éthérique de son mental à partir d'un plan qui est techniquement soudé à son existence. Et ce plan qui est soudé à son existence est une forme de fusion, c'est-à-dire d'unification d'un principe universel avec un principe planétaire, ce qui donne à l'homme sur la Terre, à partir du moment où il passe de l'involution à l'évolution, de pouvoir finalement caractériser son existence, alors que pendant l'évolution, il n'était pas capable de la caractériser parce que son existence était totalement morte. Son existence est morte. Basé sur la réflexion de l'ego qui est conditionné par la mémoire de la race, tu ne peux pas caractériser ton existence parce que tu n'as aucune notion de ton être-té en dehors de tes sens qui t'indiquent que tu es vivant. Alors que dans l'évolution, l'homme est capable de corriger ceci parce que dans l'évolution, il a la capacité d'interpréter la vibration qui passe dans le système et qui donne naissance à sa conscience, c'est-à-dire à son moi. Mais pas son moi réflectif, son moi qui vibre. Ou son moi vibratoire, si vous voulez. Mais ces deux sortes de moi-là vont donner naissance à une psychologie dans un cadre, lorsque le moi est effectif, et à une conscience dans un autre cadre, sur un autre plan, quand le moi est purement vibratoire. Et c'est la réalisation de la différence fondamentale entre ces deux aspects-là chez l'homme qui lui permet éventuellement de créer une synthèse de sa réalité. La synthèse de sa réalité, c'est le « je », le « tu » et la neutralité de sa conscience. Quand l'homme réfléchit sur la Terre, il est dans son « je ». Quand il est en télépathie, il est dans son « tu », parce qu'il peut communiquer avec. Et quand il est conscient de la manipulation du « tu » sur le « je », donc il est conscient de la manipulation du plan mental sur son plan psychologique, à ce moment-là, il est capable de rentrer dans une conscience neutre, c'est-à-dire avoir la disponibilité de ne pas vibrer émotionnellement à l'abus des forces occultes sur sa conscience. À partir de ce moment-là, il commence à être libre de sa programmation et il commence à pouvoir réaliser que quelle que soit son expérience sur la Terre, elle est toujours le résultat d'un degré quelconque de manipulation. Que vous soyez en paix, puis heureux, que la vie soit belle, vous êtes manipulé à l'être. Parce qu'il est retiré de votre conscience psychologique ce qu'on appelle les éléments de la souffrance qui sont créés dans une programmation pour vous faire reconnaître qu'il y a opposition à votre constante planétaire. Quand vous êtes malheureux, c'est la même chose. Quand vous êtes malheureux, quand vous souffrez psychologiquement, vous vivez une manipulation de votre conscience mentale, autrement dit de vos pensées, ce qui crée chez vous un afflux d'énergie inférieure qu'on appelle l'émotion, pour vous donner vous la chance, si vous voulez, d'évoluer au niveau de l'âme. Mais évoluer au niveau de l'âme, ça fait partie de la programmation de l'homme, mais un jour ça doit cesser, parce que l'homme doit en arriver un jour à ne plus souffrir sur la Terre. Mais pour qu'il en arrive à plus souffrir sur la Terre, faut qu'il en arrive à prendre conscience du jeu, du tu et de sa capacité d'être neutre par rapport à la lutte entre le moi planétaire et le moi universel. Ça prend une grande, grande conscience pour pouvoir être neutre dans la conscience de la domination optimale des forces occultes sur la Terre qui conditionne l'homme à l'expérience évolutive et qui amèneront éventuellement l'homme à une expérience évolutive, autrement dit, à une sortie de sa conscience réfléchie. Donc, l'homme, en général, vit son être par rapport à ce qu'on appelle une psychologie quelconque. Il ne vit pas par rapport à une conscience quelconque. Quels sont les avantages et les désavantages d'une telle situation? Si l'homme vit par rapport à une psychologie, il a l'impression d'être, c'est-à-dire qu'il a une façon d'interpréter sa réalité. Donc, je devrais dire, il y a une façon d'interpréter son irréalité. Parce que l'homme n'est pas réel. S'il était réel, l'homme, il aurait une conscience de ce qui se passe dans sa vie. Alors qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe dans sa vie, parce qu'il n'est pas capable d'interpréter ce qui se passe dans sa vie parfaitement. Alors, comme il n'est pas capable d'interpréter ce qui se passe dans sa vie parfaitement, il a accès à ce qu'on appelle une psychologie. Mais c'est une psychologie formative. C'est pas une psychologie informative. Donc l'homme vit dans la forme psychologique de son moi en fonction de sa capacité d'interpréter le phénomène de son être-té par rapport à une dimension purement culturelle, mais il n'y a pas de notion informative concernant sa psychologie parce qu'il n'y a pas de télépathie avec un plan supérieur qui est capable d'y expliquer parfaitement pourquoi il vit telle affaire. Donc, avoir une psychologie sur la Terre, ça veut dire être restreint à la souffrance, alors qu'avoir une conscience sur la Terre, ça en arrivait à la neutraliser, cette souffrance-là. Ça ne veut pas dire qu'un homme conscient ne souffre pas. Ça veut dire qu'il en arrive à pouvoir la neutraliser. Mais la neutraliser où? La neutraliser en dehors des zones d'influence de son double ou de son ajusteur de pensée. C'est quoi une zone d'influence? Je vous donne des exemples simplistes, là. Supposons que la fille, elle s'en va au bureau le matin, puis c'est une secrétaire, puis elle arrive au bureau, puis le patron vient voir, puis il dit, écoute, Pauline, j'ai engagé un autre secrétaire. Fait que, voudrais-tu la rencontrer? Fait que la Pauline, elle rencontre, elle s'en va rencontrer l'autre secrétaire, puis Pauline, elle s'aperçoit qu'elle a des boutons, puis elle s'aperçoit que l'autre secrétaire est très belle. Qu'est-ce qui va se passer dans sa conscience à Pauline? Elle va commencer à faire de la comparaison, à se comparer avec l'autre secrétaire, puis là, dans sa tête, par vertu du fait qu'elle vit dans le cadre d'une psychologie, elle va commencer à recevoir des influx, autrement dit, des implants parasitiques qui viennent du plan mental, puis qui vont dire, t'es pas aussi belle que l'autre secrétaire, fait que ton boss te laisse aller, ou il va te laisser aller bien vite, ou t'es pas aussi bonne que l'autre secrétaire, puis ton boss va te laisser aller bien vite. Puis dans le fond, c'est peut-être même pas ça le cas. Son boss, dans deux jours plus tard, il va revenir à elle, il va dire, la raison pour laquelle j'ai fait venir l'autre secrétaire, c'est parce que j'ai un poste plus élevé pour toi. Là, va se calmer le casse. Mais dans son expérience première, lorsqu'elle va rencontrer la secrétaire, elle va commencer à vivre des implants. Ces implants-là font partie des ondes d'informations qui viennent du plan mental, qui s'ajoutent constamment à ce qu'on appelle la grille psychologique de l'ego, et qui créent chez l'homme ce qu'on appelle de la souffrance. Mais dans le fond, la souffrance chez l'homme, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de supranaturel ou supernaturel. Parce que ça vient des plans. Mais l'homme ne le sait pas. Donc, pour lui, la souffrance est naturelle. Alors que pour un homme conscient, la souffrance est supranaturelle. C'est pas naturel. Fait qu'à un certain moment donné, l'homme qui va passer de la psychologie à la conscience va en arriver à commencer à développer une prise de conscience relative entre le tu et le je, puis il va commencer à voir qu'il est habité, c'est-à-dire qu'il y a des implants qui se créent en lui, il y a des pensées qui passent en lui et qui le mettent en vibration, et ces pensées-là le mettent en vibration parce que ces pensées-là violent son territoire psychique. Quand vous souffrez pas, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial dans votre vie, c'est parce que tout le temps vous souffrez pas, vous n'êtes pas violé dans votre territoire psychique. Mais la fille, aussitôt qu'elle arrive au bureau puis qu'elle rencontre l'autre secrétaire, la pensée passe, elle est violée dans son territoire psychique, et si elle était consciente, la fille, quand elle arrive au bureau, puis qu'elle se faisait dire, l'autre fille n'a pas de bouton, puis toi t'en as, elle serait capable de dire, mange donc de la marde. La communication, les influx, les implants arrêtera instantanément, parce que de l'autre côté, on saurait, puis on serait capable de mesurer, qu'à ce moment-là, la fille n'est pas dominable, en vertu de ce niveau d'implant-là. À ce moment-là, les plans vont aller plus loin si c'est nécessaire pour vérifier jusqu'à quel point elle est manipulable, puis on arrivera avec d'autres niveaux d'intellect jusqu'au jour où la fille sera plus violable pantoute dans son mental, où la fille sera plus dominable dans son mental par la pensée, et à ce moment-là, quand elle rentre au bureau, puis que le boss dira, bon ben on a une autre secrétaire, bon ben elle dira, bon ben tant mieux, qu'est-ce qui se passe, je m'en vas-tu, je reste-tu, qu'est-ce que vous avez décidé, puis le boss dira, bon ben on t'envoie plus haut, ou on se débarrasse de toi, puis elle dit, bon ben si vous débarrassez de moi, pas de problème, on va m'en trouver un autre, il y a quelqu'un qui m'en place une bonne. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'à ce moment-là, si elle rendue à ce point-là, la fille, elle va pouvoir aller par en dedans, puis elle va dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle secrétaire, qu'est-ce qui se passe? Puis on va dire, il y a des changements dans ta vie. Ah, c'est pas pareil, ça! Si ça veut dire qu'il y a des changements dans ta vie, puis ça veut dire que tu as des crises de boutons. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pareil. Moi, dis-moi qu'il y a des changements dans ma vie, no problem. Ben, dis-moi pas que j'ai des crises de boutons parce que m'a t'envoyé chier. Mais si tu me dis qu'il y a des changements dans ma vie, j'ai pas de problème avec ça. Je suis toujours prêt à des changements. D'ailleurs, la vie, c'est toujours en changement. Mais de me faire dire que j'ai des boutons puis que l'autre gars, il est plus beau que moi, ça, c'est de la manipulation de mes émotions, ça. Ça passe pas au niveau de ma conscience mentale. Vous autres, vous pensez que vous êtes sur la planète Terre parce que votre mère vous a mis au monde, là, t'sais. C'est arrivé comme ça, le père a fouetté avec la main, puis le petit sort. Mais ça va plus loin que ça, l'incarnation. La raison, premièrement, que l'homme est sur la terre, c'est parce que la terre, c'est une école. Deuxièmement, l'homme est sur la terre, puis quand il vient sur la terre, il y a une programmation. Il y a toujours une programmation. Vous allez voir des voyants, puis les voyants vont vous dire, bon, ben, dans 2 ans, tu vas marier tel gars qui vient de l'Afrique du Nord, puis dans 2 ans, tu rencontres un gars qui vient de l'Afrique du Nord. Fait que si les voyants sont capables de savoir d'avance que vous allez rencontrer un gars qui vient d'Afrique du Nord dans 2 ans, c'est parce qu'il y a de l'information qui passe dans le canal, ça vient pas de sa poche, ça. C'est pas des statistiques, cette affaire-là. C'est pas du hasard, ça. Mais vous allez pas assez loin dans le phénomène dans la compréhension du phénomène de télépathie, vous restez toujours au niveau de votre psychologie, fait qu'à ce moment-là, ben, vous rencontrez un gars, il vous fait chier, vous pleurez, vous souffrez, vous avez des enfants, votre vie est ruinée parce que c'est un con, d'ailleurs, les hommes en général, c'est des cons. Puis à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de traiter avec cette psychologie-là parce que vous n'êtes pas capable de renverser la violation de votre territoire psychique. Si vous étiez capable de renverser la violation de votre territoire psychique, bien à ce moment-là, quand ça va mal entre vous puis votre chum ou vous, votre mari ou whatever it is, vous seriez capable d'aller par en dedans et dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Pour vous dire, mais c'est fini votre expérience, mon cher ou ma chère. Fait qu'au lieu d'être pris avec la souffrance de la femme qui aime ou qui a aimé, ou d'être pris avec la souffrance du gars qui a perdu sa job, puis qui n'est pas content, vous seriez capable de voir plus grand, puis vous verriez que, dans le fond, en arrière de votre souffrance, il y a toujours un tableau qui est plus vaste que l'impression que vous avez d'elle, qui vous est donnée par votre psychologie quotidienne, votre psychologie culturelle, dépendant que vous soyez africain ou arabe ou chinois ou québécois. Fait qu'un homme qui passe de l'évolution à l'évolution ne peut pas vivre éventuellement de psychologie, parce que de la psychologie, ça n'existe pas. On lui donne une caractéristique valable, on lui donne une caractéristique interprétative, on lui donne une caractéristique existentielle, parce qu'on a besoin, pendant l'évolution, de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on vit telle ou telle affaire. Mais dans le fond, on n'a aucune idée pourquoi est-ce qu'on vit telle ou telle affaire. La preuve, c'est que quand vous allez voir des psychologues, que vous avez des problèmes avec des psychologues, le gars est assis à sa chaise, puis il dit, bon, ben, parle-moi. Fait que, tu y parles, puis ça te coûte 60$ de l'heure, ou whatever it is, puis tu fais ça pendant des années de temps. Puis ce qui m'est arrivé, c'est que lui, en te faisant parler, il va t'amener avec le temps à pouvoir traiter de la violation de ton territoire d'une manière un petit peu plus équilibrée, mais il ne va pas t'expliquer pourquoi est-ce que tu as été violé dans ton territoire. Il ne va pas te dire pourquoi est-ce que tu as été violé quand tu avais 18 ans. Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est que quand tu as été violé, après ça, tu as eu un choc, après ça, tu as haï les hommes. Mais il ne pourra pas dire, bon, ben, tu étais violé parce que le choc a créé, le viol a créé un choc à ton corps émotionnel, ça t'a mis sur une tangente d'évolution spirituelle pour en arriver plus tard à comprendre ton état, comprendre ta vie, comprendre la vie, et être moins affecté par l'expérience terrible du viol, parce que plus tard, t'en es arrivé à pouvoir vivre une télépathie intérieure qui te dit, bon ben, le viol a créé un choc à ton centre émotionnel. Ton centre émotionnel, une fois ouvert, nous a permis de venir en communication télépathique avec toi. Sans ça, si ton centre émotionnel n'avait pas été ouvert, on n'aurait pas pu faire le contact. Ah, là, c'est plus pareil. C'est plus de la psychologie, ça. Ça, c'est la science de l'esprit, c'est la science du mental. Ça fait partie de ta télépathie, ça fait partie de la jonction entre le tu et le tu et le je. Ça fait partie de la synthèse des deux. Et ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la conscience, le passage de la psychologie à la conscience. À ce moment-là, t'étais violé, il n'y a rien là. Et au lieu de faire comme les psychologues disent, vivre sérieusement par rapport à ton passé, tu es capable de dire, bon, mais mon passé, il compte plus, ma vie, elle commence à zéro, puis là, je commence là. Parce que quand t'es conscient, t'en as pas besoin de passé. Quand t'es inconscient, t'as besoin du passé pour comprendre ton présent. Parce que t'as besoin du passé pour avoir l'impression de comprendre ton présent. Parce que si t'as l'impression de comprendre ton présent, tu te sens mieux dans ta peau. Mais ça ne veut pas dire que tu comprends ton présent. Parce que tu ne peux pas comprendre ton passé si tu n'as pas de communication télépathique avec tes plans. Tu peux simplement l'interpréter de façon suffisamment judicieuse pour réaliser que ça arrive à bien des femmes dans le monde d'être violées. C'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Il y a bien des femmes qui se font violer. Il y a bien des femmes qui se font faire encore plus que ça. Tu étais chanceuse, tu n'aurais plus de faire tuer, tu t'es pas de faire tuer. Ça, c'est le psychologue qui parle de même. Mais, toi, en relation avec ton double, en relation avec les forces internes qui manipulent le mental de l'homme sur la terre et qui créent la fondation de la souffrance existentielle, là, tu commences à avoir une réponse, puis ils vont dire, bon, ben, tu t'es fait violer parce que ça a servi à ouvrir ton centre émotionnel pour qu'éventuellement il y ait un contact avec nous autres, pour que, là, ça vaut quasiment la peine d'avoir été violé. Ah, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, la différence entre la psychologie et la conscience, elle est très grande, elle est très vaste. Elle est aussi vaste que l'intelligence elle-même. Donc, si l'homme continue à vivre par rapport à la psychologie, c'est-à-dire par rapport à l'interprétation subjective de son moi et des expériences qui sont périphériques à son moi, à ce moment-là, l'homme n'arrivera jamais à se satisfaire parfaitement dans la vie. Il y aura toujours une petite crotte en arrière. Il y aura toujours une trace de break. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une trace de break. Quand vous avez une trace de break, parce que la fille, elle s'est faite violer à 18 ans, fait qu'elle a une trace de break, tu fais de la régression, tu vas avoir la trace de break. Tu vas pleurer. C'est quoi une trace de break? Une trace de break, c'est de la mémoire. C'est quoi de la mémoire? C'est de l'intrusion dans ta conscience pure. De la mémoire, c'est de l'intrusion dans ta conscience pure. Là, vous allez dire, ben oui, ben on ne peut pas être sans mémoire, on est quand même pas des êtres fusionnés, on est des êtres en évolution. Ben, je veux simplement que l'homme comprenne le principe. Que la mémoire, c'est de l'incursion dans votre conscience pure. Si vous aviez de la conscience pure, vous seriez sans mémoire. Là, vous allez dire, bon, ben, vive sans mémoire. C'est pas le fun. Vivre sans mémoire. Vivre sans mémoire, ça veut pas dire que vous avez pas de mémoire. Vivre sans mémoire, ça veut dire que vous n'avez pas de mémoire qui vous est sujettie en tant qu'ego. C'est là. Puis quand tu as besoin de puiser dedans, ça vient. Mais t'es pas toujours les deux pieds fourrés dedans. Fait que la différence entre la mémoire psychologique et la mémoire et la conscience, c'est dans la mémoire psychologique que tu as toujours les deux pieds fourrés dedans. Parce que dans la mémoire de la conscience, tu rentres dedans quand c'est nécessaire, puis tu sors, puis tu rentres, puis tu sors, tu rentres, puis tu sors. Tu es libre. Tu peux plonges dans le lac. Tu plonges dans l'océan, mais tu ressors. Vous autres, vous voulez toujours être dans le lac. Puis si vous n'êtes pas dans le lac, vous n'êtes pas bien. Alors, vous avez, en tant qu'homme, vous avez un prix à payer pour avoir de la mémoire. Le prix que vous avez à payer pour la mémoire, mais c'est la souffrance psychologique. Vous aurez toujours un prix à payer pour la mémoire. Alors, même si la mémoire est merveilleuse, elle est merveilleuse quand tu construis une maison, elle est merveilleuse quand tu fais des chiffres, elle est merveilleuse quand tu as besoin d'amener à ton ego un influx de connaissances, mais elle est plus merveilleuse quand elle te rappelle tout le temps que tu étais violent à 18 ans. Ça fait qu'il y a deux sortes de mémoires. Il y a une mémoire qui est créative, constructive, puis il y a une mémoire qui est totalement planétaire, qui est totalement le produit de la manipulation des plans. Il y en a deux sortes de mémoires chez l'homme. En général, l'homme, quand il souffre, il est dans celle-là. Quand il souffre pas, ça va bien, il est sur la job, il est dans celle-là. Mais en général, il est dans celle-là. Il est dans la mémoire subjective. C'est pas quand vous êtes bien dans votre peau, vous êtes heureux, comme vous dites, que votre mémoire va devenir un problème. C'est quand vous êtes pas bien qu'elle va devenir un problème. Quand est-ce que vous allez être pas bien? Ben, quand vous allez rentrer d'un autre cycle, dans une autre semaine, dans un autre jour, dans une autre année, dans une autre période de 7 ans. Il y a des cycles. Quand tu vas rencontrer un nouveau chum, la question va venir. J'ai été violé par un, moi, tu sais, violé encore par un autre. Je vais être heureuse avec lui. Fait que la mémoire, c'est toujours une intrusion dans votre mental. Puis c'est avec ça que je veux que vous compreniez de la mémoire. Je veux que le monde arrête de concevoir la mémoire comme étant un élément de la conscience humaine qui est un Dieu donné. De la mémoire, ça vaut pas de la merde. Puis la seule raison que vous pensez que la mémoire est importante, c'est parce que vous n'êtes jamais sorti de votre conscience subjective. Vous avez toujours vécu avec vos meubles. Puis là, on vous dit, ben un jour, peut-être que l'homme en arrivera, il n'y aurait plus de meubles chez eux. T'en auras plus de meubles. T'en créeras des meubles si t'en as besoin, mais les vieux meubles de ton évolution, t'en auras plus. Puis l'homme n'est pas à l'aise, pas de mémoire. Il y a des gens qui s'inquiètent quand tu commences à perdre la mémoire. Donc, on a été habitué pendant l'évolution à baser la valeur de notre ego, autrement dit, de notre conscience mentale, donc de notre intelligence, sur la plasticité de notre mémoire. Alors qu'en réalité, c'est notre mémoire réellement qui a alourdi notre conscience et qui a fait de la conscience humaine sur la Terre une épreuve constante pour l'humanité. Les gens qui ont des mémoires à tout casser sont incapables de passer outre dans d'autres domaines de la conscience, parce que la mémoire fait trop partie de la réussite mentale de leur ego. Ils se sentent intelligents parce qu'ils sont capables de donner les chiffres, donner les indications, et ainsi de suite. Alors que quand il y a une retenue d'informations sur le mental, ils s'aperçoivent que, hop, qu'est-ce que ça fait que je ne me rappelle pas de ça? Quand je disais, j'avais de la mémoire, là, j'en ai plus, là, le gars, il commence à se penser moins intelligent qu'avant. C'est une grosse illusion, ça. Puis c'est plein de monde qui souffre de ça. Pourquoi? Parce que la mémoire est à la psychologie, ce que l'absence de mémoire est à la conscience. Autrement dit, les moments les plus heureux dans votre tête, c'est quand il ne se passe rien, pas quand il se passe quelque chose. Donc, il y a une déformation psychologique chez l'ego qui fait partie de l'évolution et que l'on trouve dans toutes les races. Et la mémoire psychologique, cette déformation psychologique-là, elle a 4 plans. Premièrement, l'ego pense qu'il pense, et quand il pense qu'il pense, il a l'impression d'être intelligent. Cette impression-là, elle est fondée sur son incapacité de dépasser sa mémoire et d'utiliser sa mémoire pour toujours retrouver les assises de sa valeur existentielle. Avec votre mémoire, vous êtes capable de retrouver les assises de votre valeur existentielle. Autrement dit, vous avez l'impression d'être créatif, utile, fonctionnel. Alors que si votre mémoire était retirée dans un processus de conscience, instantanément, vous vivriez une dépolarisation tellement grande, tellement avancée, que vous auriez l'impression de perdre votre esprit. Pourquoi? Parce que votre esprit, pour le moment, autrement dit, toutes les énergies qui correspondent à votre mental et qui sont affectées par les forces de l'âme, toute cette énergie-là est connectée à votre mémoire. Donc, votre esprit, ce que vous appelez votre esprit, toi en tant que Roland, ou toi en tant que Pauline, ou toi en tant que Roger, là, ça, là, c'est tout de l'énergie de votre esprit connecté à votre mémoire. Mais votre mémoire, c'est un poids. C'est un poids à votre esprit. Votre esprit ne peut pas être libre avec votre mémoire. Il va traiter avec, il va correspondre avec, il va l'utiliser, mais c'est comme un boulet de canon, parce que votre esprit n'est pas capable de vous révéler ce que vous êtes ou ce que vous pouvez être au-delà de votre mémoriel. S'il n'est pas capable de le faire, vous êtes obligé de vivre votre conscience dans une forme de jeu. Alors que si vous étiez libre de votre mémoire, ou un peu plus libre de votre mémoire, ou un peu plus psychique, vous seriez capable de vivre dans une conscience du dessus, et vous en arriviez éventuellement à ne plus pouvoir mentalement vous parler en tant que je, parce que l'illusion du je fait partie de la manipulation de votre mental à partir des plans, et pour conserver l'équilibre dans votre mental au niveau de votre esprit, les plans ne se permettent pas, et ça ce sont des lois cosmiques, ne se permettent pas de vous adresser la parole en tant que tu. Parce que si les plans vous adressaient la parole en tant que tu, vous seriez obligé de vous allumer tout de suite et dire okay, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Là, tu seras dans la maison, tu diras, tu serais qu'est-ce que c'est là? Je suis en train de capoter là. Alors que vous n'êtes pas en train de capoter, vous avez l'impression de capoter ou d'être en train de capoter parce que vous êtes en psychologie formative. Vous n'êtes pas dans un mouvement de conscience télépathique encore. Vous n'êtes pas habitué encore à la connexion entre le grand moi, ce que vous appelez le grand moi, puis le petit moi. Puis vous pensez encore que le grand moi, ça fait partie de vous, alors que le grand moi, ça a sa propre identité, ses autres plans, et c'est totalement pré-personnel. Donc, pourquoi est-ce que la spiritualité, elle existe sur la Terre, puis pourquoi est-ce que pendant des milliers et des milliers d'années d'évolution, de mysticisme, d'ésotérisme, d'occultisme, de recherche de la pierre philosophale, puis tout le bullshit de l'évolution, pourquoi est-ce qu'on est rendu en 1900, en l'an 2000, puis qu'on n'a pas encore conscience télépathique avec les plans? Pourquoi? Parce que on n'a jamais été capable de comprendre la réalité cosmique principautaire du grand moi. On a toujours voulu, à cause de notre mémoire, donc de nos craintes affiliées, on a toujours voulu croire que le grand moi, c'est moi là. C'est pas toi là. Toi là, c'est un pré-personnel. Toi, t'es ici. Tu vas sortir d'ici quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu vas rencontrer l'autre là. Là, c'est une fusion. Tu passeras une conscience moronciel, probablement. Si c'est pas assez évolué, tu passeras une conscience astrale, tu réincarneras plus tard. Mais le phénomène du grand moi, un jour, il va falloir qu'il soit chié par les gens spirituels sur la Terre. Vous allez être obligé de le chier, vous allez être obligé de l'éliminer de vos consciences, vous allez être obligé de l'extraire de vos consciences, vous allez être obligé de l'exorciser de vos consciences. Parce que tant que vous ne serez pas capable de le faire, ça, vous allez penser que ce qui se passe en dehors de vous autres, sur les autres plans, c'est vous autres, et vous allez être obligé, vous ne serez pas capable d'accepter ou d'absorber des chocs d'énergie créative qui vont aller contre votre mémoire, au-delà de votre mémoire, pour finalement vous amener à sortir d'une mémoire planétaire pour entrer dans une mémoire cosmique. Pensez-vous que vous allez passer d'une mémoire planétaire à une mémoire cosmique comme ça? Parce que vous êtes des êtres spirituels? Parce que vous avez un grand moi? Parce que vous êtes psychique avec un grand moi? Parce que vous avez des entités spirituelles qui vous parlent? Bullshit. Les entités spirituelles font partie des mêmes conventions de l'évolution, sont totalement contrôlées par les plans supérieurs, et les âmes qui sont en communication télépathique avec vous autres, que vous appelez des guides spirituels, ils ne valent pas plus d'amables que vous autres. Quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à comprendre autre chose. C'est pas parce que tu meurs que tu es plus intelligent rendu au bord. T'es aussi con que quand tu étais ici. Fait que la spiritualité, c'est de la désinformation psychologique de l'ego. De la spiritualité, ce que vous considérez comme de la spiritualité, à n'importe quel niveau, c'est de la désinformation psychologique de l'ego. Fait que si vous avez une entité spirituelle globale qui vous communique des conneries, ça fait partie de votre évolution. Ça fait partie de votre spiritualité. Ça ne fait pas partie de votre conscience. J'en connais bien du monde spirituel. Moi, j'en ai donné 5000 séminaires depuis 30 ans. C'est pas parce que les gens sont spirituels qu'ils sont conscients. C'est pas parce que les gens sont spirituels parce qu'ils sont intelligents. Au contraire. Ça, c'est une autre chose qui va devoir être éliminée de la conscience humaine pendant l'évolution. Toute forme de spiritualité. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'éliminer la spiritualité? Parce que la spiritualité, c'est le dernier des territoires. C'est le dernier des territoires. C'est le dernier des expériences humaines contre lequel l'homme ne s'est pas mis en étude. On a étudié la matérialité, on a étudié le monde matériel, on a une idée comment ça marche, si tu veux. Mais le monde spirituel, on n'a jamais étudié. On l'a subi. On l'a subi dans la prière, on l'a subi dans les évocations, on l'a subi dans le voyage astral, on l'a subi dans le mysticisme, on l'a subi dans les mouvements nirvaniques des orientaux. Mais on ne l'a jamais confronté. L'homme n'a jamais confronté son guide spirituel. Il dit, hey, c'est qui toi, tabarnak? T'es qui toi? T'es qui toi? Puis comme on n'a jamais confronté le monde spirituel, on ne l'a jamais démoli en soi. Parce qu'on n'a pas d'idée. Pendant l'évolution, on n'avait pas d'idée de l'importance de la confrontation parce qu'on a toujours considéré comme les mondes spirituels comme étant des mondes avancés. Les mondes spirituels, ce n'est pas des mondes avancés. C'est des mondes endormis. Pareil. Endormis. Il n'y a plus de contact. Dans les mondes spirituels, il n'y a pas de contact entre un ajusteur de pensée et les âmes mortes. Ils sont dans la flotte. Il y a des plans, plus bas que l'autre. Il y en a qui sont plus hauts que d'autres. Mais ils sont dans la flotte. Puis comme ils sont dans la flotte, ils ont besoin d'être en communication télépathique avec l'homme à son insu, ce qu'on appelle la pensée spirituelle, pour pouvoir avoir l'impression d'être. Parce que les morts, sans les humains, sont faits à l'os. Puis ils savent, ça commence à les énerver pas mal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de voir des autres mondes? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de voir les entités physiquement avec votre œil éthérique sur le plan matériel? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de comprendre la relativité spatiale des autres plans? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de voir l'interpénétration des autres plans avec le plan matériel? Autrement dit, pourquoi est-ce que l'homme n'est pas capable de savoir, de voir ou d'avoir la compréhension visuelle de toutes les facultés de sa conscience? Parce que l'homme ne pourra pas vivre sur le plan matériel. Ce qui vous permet de vivre, le phénomène de vivre, le phénomène existentiel, vivre, ça veut dire quoi ça, vivre? Vivre, ça veut dire être empêché de voir. C'est ça que ça veut dire, vivre. Quand tu es sur le plan matériel, tu es empêché de voir. Quand tu viens au monde, c'est coupé, ça. Tu grandis avec les sens qui se développent et tu ne vois plus rien. C'est ça, vivre. Sans ça, si l'homme pouvait voir, à ce moment-là, il n'y aurait plus de raison d'être ici. Il n'y aurait plus de raison d'être sur le plan matériel. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être sur le plan matériel, que pour l'évolution de l'âme. L'évolution de l'âme, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire éventuellement un retour à la source. Retour à la source, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire télépathie avec le principe universel de la conscience de l'âme, qu'on appelle l'ajusteur de pensée, ou donnez-y le nom que vous voulez. Le grand moi, I don't give a shit. C'est ça le retour à la source. Après ça, l'homme passe en conscience morontielle, il n'y a plus besoin de revenir ici, c'est fait. Comme on est coupé de l'autre bord, on ne sait pas ce qui se passe. À ce moment-là, c'est évident que c'est sur le plan matériel. On vit une vie totalement à l'envers, totalement manipulée, totalement dans une formation psychologique, incapable de voir la différence entre le je et le tu, donc incapable d'établir ou de développer une télépathie avec le plan mental. Puis le plan mental, sa fonction, son support, sa réalité, son devoir, c'est d'être en communication télépathique avec l'homme. Ils sont obligés de vous répondre. Mais vous ne le savez pas, nous autres, on ne sait pas qu'ils sont obligés de nous répondre. Moi, quand je leur parle, ces hosticiens-là sont obligés de nous répondre. Mais l'homme, lui, il ne sait pas ça, qu'ils sont obligés de nous répondre. Parce qu'il ne sait même pas que ça existe, ça. Fait qu'à ce moment-là, l'homme n'a pas de conscience. Il a simplement une psychologie de l'être. Ça a pris des siècles et des siècles que l'homme en arrive finalement à entrer en lutte avec l'invisible. Ça a pris des siècles. On est rendu au 20e siècle, là, on commence à avoir une mainmise sur la matière, là. On commence à avoir une mainmise sur les mondes spirituels, puis éventuellement on va avoir une mainmise sur le plan mental. L'homme commence, après des siècles. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que même si on est intelligent aujourd'hui, on est encore dans la marne, puis on a des civilisations totalement aliénantes, puis totalement défraîchies, où l'intelligence n'est plus là. Fait que c'est quoi l'obstacle entre l'homme et le plan mental? C'est la matière? Non. Il n'y a pas de problème avec la matière. T'es titre, ça fait partie de tes sens, ça fait partie de ton incarnation. La matière, l'homme devrait l'adorer, la matière. No problem. Mais le problème de l'homme, c'est sa spiritualité. C'est même pas sa matière, c'est la spiritualité. Pas la matière. Mais les êtres spirituels vont vous dire que c'est la matière qui est le problème de l'homme. Quand tu as ça dans la tête, bien, tu regardes ce qui se passe aux Indes, les gens qui pensent que ça m'attire le problème de l'homme, mais ils ont le problème aux Indes. Quand tu es rendu que tu vas te baigner dans le grand chose, qui est toute polluée, puis tu vis des illusions de santé, tu en as un gros problème. Donc, c'est pas la matière qui est le problème, c'est la spiritualité de l'homme. Mais l'homme n'a jamais réalisé que c'était sa spiritualité son problème parce qu'il n'a jamais compris la manipulation spirituelle de son être, parce qu'il n'a jamais compris l'illusion psychologique de son ego par rapport à les plans qui manipulent sa conscience mentale. C'est pour ça que la spiritualité est si grande. Puis quand vous allez dans les domaines un petit peu plus affreux de la spiritualité, là, les domaines un peu plus concrets, les domaines un petit peu plus... conventionnel, civilisateur de la spiritualité, ben, vous avez les grandes guerres de religion. Donc, la civilisation, c'est le produit des guerres de religion. Ce qu'on a fait au nom des religions, de la spiritualité, et ainsi de suite. Fait qu'un jour, l'homme va devoir voir, regarder à travers ça, puis... au niveau politique, on a réglé l'affaire, là, on a séparé les religions des États, mais un jour où on n'a pas réglé le problème, c'est au niveau de nos consciences personnelles. On est encore des êtres spirituels. Puis on est bien plus spirituels qu'on vous comprend. Il y a un gars à Sainte-Catherine, là. Je ne peux pas vous le dire, parce que vous allez à Sainte-Catherine, vous allez voir. En tout cas, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a un gars à Sainte-Catherine qui est réellement décrissé. Il est réellement décrissé. Donc, moi, je passe à côté de lui un jour, puis... ça m'a fait de quoi? Ça, sacrement, j'ai dit, c'est abominable, une vie comme ça. Fait que j'ai donné une pièce. Bon, OK. Fait que je suis parti. Mais là, quand tu reviens, il est encore là. Fait que là, il fallait que je règle l'affaire une fois pour toutes, parce que j'ai dit, je veux pas vivre ça chaque fois que je viens. T'sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Ils m'ont conté que c'est. J'ai dit, c'est pourquoi ce qu'il. C'est quoi son karma? Pourquoi est-ce qu'il m'aime? Pourquoi est-ce qu'il vit ça? Ils m'ont compris. Ils m'ont expliqué. Pourquoi est-ce qu'il était comme ça? Il avait tué son frère et il avait violé sa sœur dans l'autre vie. Mais j'ai dit qu'il mange la bande. Il mérite d'être honnête. C'est fini, mon problème est réglé. Quand je le vois, je passe à côté. Donc j'ai fait le monde une fois, là, en bon chevalier, mais après ça, c'est fini. Sans ça, je vais être pogné avec ma grande sensibilité intérieure à voir ce gars-là puis d'autres, là, des centaines qu'on voit. Là. Fait que ça va loin, la spiritualité. Fait que l'homme, il va falloir qu'il règle ça un jour. Fait que quand ils disent, bon ben, il a tué son frère et il a violé sa sœur. Ça vient de régler ton affection pour l'homme. Fait que t'as plus de pièces à donner. Ça, tu laisses ça au reste de l'humanité de faire les hommes. Mais tout ton affaire est réglée, une fois pour toutes. Fait que tu as réglé le problème de spiritualité entre toi et l'homme, entre toi et l'individu. Fait que sans extrapolation de ça, tous les niveaux de l'expérience spirituelle de l'humanité, quand tu es conscient, tu n'as plus de problème. C'est ça la différence entre la psychologie et la conscience. Il y a du monde qui me donne comme argument, si on ne va pas en Afrique aider les Noirs en Afrique, si on ne va pas aux Nations Unies, pas de problème, vas-y. Tu l'as la vibration, puis allez, vas-y. Tu l'as la spiritualité, puis allez, vas-y. Ça fait partie de toute la game, ça. Il y aura toujours du monde pour y aller. Mais il y a d'autres mondes qui ne pourront plus y aller. C'est comme l'affaire des petits Chinois durant la guerre. Ça fait des petits Chinois. On a-tu envoyé des 30 sous, hein? Dans les coffres d'église? Les petits Chinois. On était spirituel, on n'était même pas spirituel, on était religieux. Dans ce temps-là, c'était l'église qui remet. Donc, je veux signifier la différence entre la psychologie humaine et la conscience humaine. La psychologie humaine, c'est un tableau contre lequel ou avec lequel vous conversez avec vos pensées. Point final. Ça ne vaut pas de la merde. Vous n'allez jamais régler vos problèmes avec ça. Vous allez changer les meubles de place. Vous allez grandir. La mémoire va s'affaiblir de vos souffrances. Mais vous aurez toujours la crotte au cul. Il appelle ça le trauma. C'est la crotte au cul, le trauma. Là, vous allez voir un film, là, vous allez voir parce que c'était les films, vous en vivez les affaires des films. Parce que dans un film, puis il y a toutes sortes de films, il y a une fille qui s'est fait violer dans le film. Mais toi, tu t'es fait violer, la crotte au cul revient en surface. T'as des larmes. Parce que dans les films, avec toutes les expériences cinématographiques, ben, il y a toujours quelque chose pour nous autres, pour vous autres. Ça, c'est la crotte au cul. On est tous des êtres traumatisés. Pourquoi est-ce qu'on est traumatisé? Parce que la mémoire est utilisée contre nous autres. Puis comment est-ce qu'elle est utilisée contre nous autres? Elle est utilisée contre nous autres dans le sens que quand tu vas voir un film, oups, elle vient. Avant d'aller voir le film, tu ne l'avais pas, cette mémoire-là. Ça fait 25 ans que tu t'es fait violer, tu n'as pas de problème. D'un coup, ton chien me dit, bon, il y a un film, on va aller voir ça, je ne sais pas ce que c'est, tu y vas, puis oups, paf, ça te pète dans la face, ta mémoire revient. T'es prêt à aller vomir dans les toilettes. T'es à bien tout à l'heure, là? Puis le monde, il me parle. Ça, c'est la conscience des cellules. Le monde me font chier avec la conscience des cellules. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la conscience des cellules, ce que vous appelez la conscience des cellules. Le monde cellulaire, c'est un monde électrique. C'est tout électrique, le cellulaire. Le monde astral est connecté à la cellule à travers l'électricité. La vitalité de votre corps astral, c'est comme la vitalité de votre corps mental, c'est connecté à vos neurones. C'est pas vos neurones qui sont intelligents. C'est l'influx électrique qui vient des plaies qui active vos neurones. C'est ça qui vous rend intelligent. C'est comme le gars ça, qui lit, le gars au Québec là, qui lit... S'il donne un bouquet téléphonique, là, puis il rouvre des pages, puis il est capable de tout te donner les noms sur la page. Faut être con en sacrament pour penser que le gars, il a lu ça. Ou que le gars, il a ça, là, dans la mémoire de ses seigneurs. On aime ça développer des termes pour banaliser le réel et faire l'affaire à notre irréalité. C'est ça que j'appelle la psychologie. Au lieu de dire, bon, ben, j'ai une entité qui est connectée à moi,